L'espagnol avec Michel Thomas, méthode de perfectionnement. CD numéro 2. Donc, au subjonctif, tout comme à l'impératif, et tout comme au présent de l'indicatif d'ailleurs, on insiste sur l'avant-dernière syllabe. No pienso que pueda hacerlo. Quiere que se lo diga. Es importante que me llame, etc. Ça, c'est valable pour tous les verbes. Tous les verbes sauf estar. Dans le cas de estar, comme au présent avec estoy, on accentue la dernière syllabe. Alors, comment direz-vous? Il est important que vous, usted, soyez ici demain. Es importante. Es importante, oui, que vous, usted, soyez ici demain. Que es, esté aquí mañana. Esté, d'accord. Exceptionnellement, on insiste sur la dernière syllabe. Es importante que esté aquí mañana. Et donc, il est important que je sois ici demain, c'est? Es importante que esté aquí mañana. Oui, c'est ça. On utilise la même forme pour je, il, elle et usted. Et avec il ou elle au pluriel, ça sera? Que estén. C'est ça, hein? Que estén. On emploie également cette forme avec ustedes. Et il est important que tu sois ici demain. Es importante que estés aquí mañana. Bien. Es importante que estés aquí mañana. Donc, avec estar, on insiste sur la dernière syllabe, sur la terminaison, et non sur l'avant-dernière syllabe, comme on le faisait avec tous les autres verbes. Donc, ça c'est pour estar. Et l'autre verbe être, c'est ser. Ser, oui, c'est ça. Eh bien, ser est un peu particulier aussi au subjonctif, puisque il prend la forme sea et non pas ça. Sea. Sea, seas, etc. Alors, comment dira-t-on « je ne pense pas que ce soit possible » Pienso que sea posible. C'est ça, que sea posible, que ce soit possible. No pienso que sea posible. Et donc, à partir de sea, vous obtenez sans problème seas, sean, seamos. Comment direz-vous « je veux que vous, usted, m'appeliez plus tard » Quiero que me llame más tarde. C'est ça, très bien. Quiero que me llame más tarde. Et je veux que vous m'écriviez. Quiero que me escriba. D'accord. Quiero que me escriba. Et il veut que je le lui envoie. Quiere que lo mende. Lo. Se lo mande. Alors, répétez-le. Quiere que se lo mande. C'est ça, très bien. Quiere que se lo mande. Ça, c'est du subjonctif. Que se lo mande. Ou que se lo mande à elle.